pour le livre d'amour. Je puis mourir demain, et je n'ai pas aimé. Mes lèvres n'ont jamais touché lèvres de femme. Nul ne m'a donné dans un regard son âme. Nul ne m'a tenu contre son cœur pâmé. Je n'ai fait que souffrir pour toute la nature, pour les êtres, le vent, les fleurs, le firmament, souffrir par tous mes nerfs, minutieusement, souffrir de n'avoir pas d'âme encore assez pure. J'ai craché sur l'amour et j'ai tué la chair. Fou d'orgueil, je me suis roidi contre la vie. Et celle sur cette terre, à l'instinct asservi, je défiais l'instinct avec un rire amer. Partout, dans les salons, au théâtre, à l'église, devant ces hommes froids, les plus grands, les plus fins, et ces femmes, aux yeux doux, jalouses ou hautains, dont on redorerait chastement l'âme exquise. Je songeais, tous en sont venus là. J'entendais les râles de l'immonde accouplement des brutes. Tant de fanges pour un accès de 3 minutes. Hommes, soyez corrects. Ô femmes, minaudez.